Et du moins l'un des deux sera juste agresseur, ou pour venger sa femme, ou pour venger sa sœur. Quoi? Me réservez-vous à voir une victoire ou pour hôte appareil d'une pompeuse gloire? Je verrai le laurier d'un frère ou d'un mari fumer encore d'un sang que j'aurais tant chéri. Pourrais-je entre vous deux régler alors mon âme, satisfaire au devoir et de sœur et de femme, embrasser le vainqueur en pleurant le vaincu? Non! Non, encore un coup. Non, avant ce coup, Sabine aura vécu. Ma mort le préviendra de qui que je l'obtienne. Le refus de vos mains y condamne la mienne. Qu'est-ce donc? Qui vous retient? Allez, cœurs inhumains, j'aurai trop de moyens pour y forcer vos mains. Vous ne les aurez pas au combat occupé que ce corps au milieu n'arrête vos épées. Et malgré vos refus, il faudra que leur coup se fasse jour ici, pour aller jusqu'à vous. Oh, ma femme. Oh, ma sœur. Courage, il s'amollisse. Vous poussez des soupirs. Vos visages pâlissent. Quelle peur vous saisit. Sont-ce là ces grands cœurs, ces héros calmes et Rome ont pris pour défenseurs? Que t'ai-je fait, Sabine? Et quelle est mon offense qui t'oblige à chercher une telle vengeance? Que t'as fait, mon honneur? Et par quel droit viens-tu avec toute ta force attaquer ma vertu? Du moins, contente-toi de l'avoir étonné et me laisse achever cette grande journée. Tu me viens de réduire en un étrange point. Aime assez ton mari pour n'en triompher point. Va-t'en et ne rends plus la victoire douteuse. La dispute déjà m'en est assez honteuse. Souffre qu'avec honneur je termine mes jours. Va, cesse de me craindre. On vient ton secours. Qu'est-ce ceci, mes enfants? Écoutez-vous vos flammes et perdez-vous encore le temps avec des femmes. Prêts à verser du sang, regardez-vous des pleurs, fuyez et laissez-les déplorer leur malheur. Leurs plaintes ont pour vous trop d'art et de tendresse. Elles vous feraient part enfin de leur faiblesse. Et ce n'est qu'en fuyant qu'on part de tels coups. N'appréhendez rien d'eux. Ils sont dignes de vous. Malgré tous nos efforts, vous en devez attendre ce que vous souhaitez d'un fils et d'un gendre. Et si notre faiblesse ébranlait leur honneur, nous vous laissons ici pour leur rendre du cœur. Allons, ma sœur, allons. Ne perdons plus de larmes contre tant de vertus, ce sont de faibles armes. Ce n'est qu'au désespoir qu'il nous faut recourir. Tigre, allez combattre. Et nous, allons mourir. Mon père, retenez des femmes qui s'emportent, et de grâce, empêchez surtout qu'elles ne sortent. Leur amour importun viendrait avec éclat par des cris et des pleurs troubler notre combat. Et ce qu'elles nous sont ferait qu'avec justice on nous imputerait ce mauvais artifice. L'honneur d'un si beau choix serait trop acheté si l'on nous soupçonnait de quelque lâcheté. J'en aurai soin. Allez, vos frères vous attendent. Ne songez qu'au devoir que vos pays demandent. Quel adieu vous dirai-je? Et par quel compliment? Oh! N'attendrissez point ici mes sentiments. Pour vous encourager, ma voix manque de termes. Mon cœur ne forme point de pensées assez fermes. Moi-même, en cet adieu, j'ai les larmes aux yeux. Faites votre devoir et laissez faire aux dieux. Prenons parti, mon âme, en de telles disgrâces. Soyons femmes d'Horace, ou sœurs des Curias. Cessons de partager nos inutiles soins. Souhaitons quelque chose et craignons un peu moins. La mort qui les menace est une mort si belle qu'il en faut sans frayeur attendre la nouvelle. N'appelons point alors les destins inhumains, songeons pour quelle cause et non par quelle main.

Les dieux n'ont pas en vain inspiré ce tumulte. Disons plutôt, ma sœur, qu'en vain on les consulte. Le ciel agit en nous en ces événements et ne les règle pas dessus nos sentiments. Il ne vous a fait peur que pour vous faire grâce. Adieu, je vais savoir comment enfin tout se passe. Modérez vos frayeurs. J'espère à mon retour ne vous entretenir que de propos d'amour et que nous n'emploierons la fin de la journée qu'aux doux préparatifs d'un heureux hyménée. J'ose encore l'espérer. Moi, je n'espère rien. L'effet vous fera voir que nous en jugeons bien. Parmi vos déplaisirs, souffrez que je vous blâme. Je ne puis approuver tant de troubles en votre âme. Que feriez-vous, ma sœur, au point où je me vois, si vous aviez à craindre autant que je le dois, et si vous attendiez de leurs armes fatales des maux pareils aux miens et des pertes égales? Parlez plus sainement de vos maux et des miens. Chacun voit ceux d'autrui d'un autre œil que les siens. Mais à bien regarder ceux où le ciel me plonge, les vôtres, auprès d'eux vous sembleront un songe. La seule mort d'Horace est à craindre pour vous. Des frères ne sont rien à l'égal d'un époux. L'hymen qui nous attache en une autre famille nous détache de celle où l'on a vécu fille. On voit d'un œil divers des nœuds si différents. Et pour suivre un mari, l'on quitte ses parents. Mais si près d'un hymen, l'amant que donne un père nous est moins qu'un époux et non pas moins qu'un frère. Nos sentiments entre eux demeurent suspendus, notre choix impossible et nos vœux confondus. Ainsi, ma sœur, du moins, vous avez dans vos plaintes où porter vos souhaits et terminer vos craintes. Mais si le ciel s'obstine à nous persécuter, pour moi, j'ai tout à craindre et rien à souhaiter. Quand il faut que l'un meure et par les mains de l'autre, c'est un raisonnement bien mauvais que le vôtre. Quoi que ce soit, ma sœur, des nœuds bien différents, c'est sans les oublier qu'on quitte ses parents. L'hymen n'efface point ses profonds caractères pour aimer un mari. L'on ne hait pas ses frères. Mais l'amant qui vous charme et pour qui vous brûlez ne vous est après tout que ce que vous voulez. Une mauvaise humeur, un peu de jalousie en fait assez souvent passer la fantaisie. Ce que peut le caprice, osez-le par raison. Et laissez votre sang hors de comparaison. C'est crime qu'opposer des liens volontaires à ceux que la naissance a rendus nécessaires. Si dont le ciel s'obstine à nous persécuter, seul, j'ai tout à craindre et rien à souhaiter. Mais pour vous, le devoir vous donne dans vos plaintes où portez vos souhaits et terminez vos craintes. Je le vois bien, ma sœur. Vous n'aimâtes jamais. Vous ne connaissez point ni l'amour, ni ses traits. On peut lui résister quand il commence à naître, mais non pas le bannir quand il s'est rendu maître, et que l'aveu d'un père engageant notre foi a fait de ce tyran un légitime roi. Il entre avec douceur, mais il règne par force. Et quand l'âme, une fois a goûté son amorce, vouloir ne plus aimer, c'est ce qu'elle ne peut, puisqu'elle ne peut plus vouloir que ce qu'il veut. Ces chaînes sont pour nous aussi fortes que belles. Je viens vous apporter de fâcheuses nouvelles, mes filles. Mais en vain, je voudrais vous sceller ce qu'on ne vous saurait longtemps dissimuler. Vos frères sont aux mains. Les dieux ainsi l'ordonnent. Je veux bien l'avouer, ces nouvelles m'étonnent. Et je m'imaginais dans la divinité beaucoup moins d'injustice et bien plus de bonté. Ne nous consolez point. Contre tant d'infortune, la pitié parle en vain, la raison importune. Nous ne demandons pas qu'un courage si fort s'abaisse à notre exemple à se plaindre du sort. Recevez sans frémir ces mortelles alarmes. Voyez couler nos pleurs sans y mêler vos larmes. Enfin, pour toute grâce en de tels déplaisirs, gardez votre constance et souffrez nos soupirs. Loin de blâmer les pleurs que je vous vois répandre, je crois faire beaucoup de m'en pouvoir défendre. Et céderais peut-être à de si rudes coups si je prenais ici même intérêt que vous. Non, Calbe, par son choix, m'ait fait haïr vos frères. Tous trois me sont encore des personnes bien chères. Mais enfin, l'amitié n'est pas du même rang et n'a point les effets de l'amour ni du sang. Je ne sens point pour eux la douleur qui tourmente Sabine comme sœur, Camille comme amante. Je puis les regarder comme nos ennemis et donne sans regret mes souhaits à mes fils. Ils sont, grâce aux dieux, dignes de leur patrie. Aucun étonnement n'a leur gloire flétrie. Et j'ai vu leur honneur croître de la moitié lorsqu'ils ont, des deux camps, refusé la pitié. Mais lorsqu'en dépit d'eux, on en a voulu d'autres, je ne le scelle point, j'ai joint mes voeux aux vôtres. Si le ciel pitoyable eût écouté ma voix, Albe serait réduite à faire un autre choix. Nous pourrions voir tantôt triompher les Horaces sans voir leurs bras souillés du sang des Curiaces, et de l'événement d'un combat plus humain dépendrait aujourd'hui l'honneur du nom romain. La prudence des dieux autrement en dispose. Sur leur ordre éternel mon esprit se repose. Ils s'arment en ce besoin de générosité et du bonheur public fait sa félicité. Tâchez d'en faire autant pour soulager vos peines. Et songez toutes deux que vous êtes romaines. Vous l'êtes devenues et vous l'êtes encore. Un si glorieux titre est un digne trésor. Un jour viendra que par toute la terre, Rome se fera craindre à l'égal du tonnerre. Et que tout l'univers, tremblant de sous ses lois, ce grand nom deviendra l'ambition des rois. Les dieux à notre aîné ont promis cette gloire. Nous venez-vous, Julie, à prendre la victoire. Mais plutôt du combat les funestes effets. Rome est sujette d'Albe, et vos fils sont défaits. Des trois, les deux sont morts. Son époux seul vous reste. Oh, d'un triste combat, effet vraiment funeste. Rome est sujette d'Albe. Et pour l'en garantir, il n'a pas employé jusqu'au dernier soupir. Non, non, cela n'est point. On vous trompe, Julie. Rome n'est point sujette. Ou mon fils est sans vie. Je connais mieux mon sang. Il sait mieux son devoir. Mille de nos remparts, comme moi, l'ont pu voir. Il s'est fait admirer tant qu'ont duré ses frères. Mais quand il s'est vu seul contre trois adversaires, près d'être enfermé d'eux, sa fuite l'a sauvé. Et nos soldats trahis ne l'ont pas achevé. Dans leur rang, à ce lâche, ils ont donné retraite. Je n'ai rien voulu voir après cette défaite. Oh, mes frères. Oh, ne les pleurez pas tous. Deux jouissent d'un sort dont leur père est jaloux. Que des plus nobles fleurs leur tombe soient couvertes. La gloire de leur mort m'a payé de leur perte. Ce bonheur a suivi leur courage invaincu qu'ils ont vu Rome libre autant qu'ils ont vécu. Et ne l'auront point vu obéir qu'à son prince, ni dans l'état voisin devenir la province. Pleurer l'autre, pleurer l'irréparable affront que sa fuite honteuse imprime à notre front. Pleurer le déshonneur de toute notre race et l'opprobre éternel qu'il laisse au nom d'Horace. Que vouliez-vous qu'il fît contre Troie? Qu'il mourit. Ou qu'un beau désespoir alors le secourut. N'eût-il que d'un moment reculé sa défaite, Rome eût été du moins un peu plus tard sujette. Il eut avec honneur laissé mes cheveux gris, et c'était de sa vie un assez digne prix. Il est de tout son sang comptable à sa patrie. Chaque goutte épargnée a sa gloire flétrie. Chaque instant de sa vie après ce lâche tour, mais d'autant plus ma honte avec la sienne au jour. J'en romprai bien le cours. Et ma juste colère sur cet indigne fils usant des droits d'un père saura bien faire voir dans sa punition l'éclatant désaveu d'une telle action. Écoutez un peu moins ces ardeurs généreuses et ne nous rendez point tout à fait malheureux. Sabine, votre cœur se console aisément. Nos malheurs jusqu'ici vous touchent faiblement. Vous n'avez point encore de part à nos misères. Le ciel vous a sauvé votre époux et vos frères. Si nous sommes sujets, c'est de votre pays. Vos frères sont vainqueurs quand nous sommes trahis. Et voyant le haut point où leur gloire se monte, vous regardez fort peu ce qui nous vient de honte. Mais votre trop d'amour pour cet infâme époux vous donnera bientôt à plaindre, comme à nous. Vos pleurs en sa faveur sont de faibles défenses. J'atteste des grands dieux, les suprêmes puissances, qu'avant ce jour fini, ses mains, ses propres mains, laveront dans son sang la honte des Romains. Ne me parlez jamais en faveur d'un infâme. Qu'il me fuit à l'égal des frères de sa femme. Pour conserver un sang qu'il tient si précieux, il n'a rien fait encore s'il évite mes yeux. Sabine, il peut mettre ordre. Ou de rechef, j'atteste le souverain pouvoir de la troupe céleste. Mon père, prenez un plus doux sentiment. Vous verrez Rome même en user autrement. Et de quelque malheur que le ciel l'ait comblé, excusez la vertu sous le nombre accablé. Le jugement de Rome est peu pour mon regard, Camille. Je suis père, et j'ai mes droits, à part. Je sais trop comment agit la vertu véritable. C'est sans en triompher que le nombre l'accable. Et sa même valeur, toujours en même point, succombe sous la force et ne lui cède point. Taisez-vous. Et sachons ce que nous veut Valère. Envoyé par le roi pour consoler un père et pour lui témoigner... N'en prenez aucun soin. C'est un soulagement dont je n'ai pas besoin. Et j'aime mieux voir mort que couvert d'infamie ceux que vient de m'ôter une main ennemie. Tous deux, pour leur pays, sont morts en gens d'honneur. Il me suffit. Mais l'autre est un rare bonheur. De tous les trois, chez vous, il doit tenir la place. On a-t-on vu périr en lui le nom d'Horace? Seul vous le maltraitez après ce qu'il a fait. C'est à moi seul aussi de punir son forfait. Quel forfait trouvez-vous en sa bonne conduite? Quel éclat de vertu trouvez-vous dans sa fuite? La fuite est glorieuse en cette occasion. Vous redoublez ma honte et ma confusion. Certes, l'exemple est rare et digne de mémoire de trouver dans la fuite un chemin à la gloire. Quelle confusion! Et quelle honte à vous d'avoir produit un fils qui nous conserve tous, qui fait triompher Rome et lui gagne l'Empire. À quels plus grands honneurs faut-il qu'un père aspire? Quels honneurs, quel triomphe et quel empire, enfin, lorsqu'Albe, sous ses lois, range notre destin? Que parlez-vous ici d'Albe et de sa victoire? Ignorez-vous encore la moitié de l'histoire? Je sais que par sa fuite, il a trahi l'État. Oui, s'il eut en fuyant terminé le combat. Mais on a bientôt vu qu'il ne fuyait qu'en homme qui savait ménager l'avantage de Rome. Quoi? Rome, donc? Triomphe! Apprenez la valeur de ce fils qu'à tort vous condamnez. Restez seul contre trois. Mais en cette aventure, tous trois étant blessés, et lui seul sans blessure, trop faible pour eux tous, trop fort pour chacun d'eux, il sait bien se tirer d'un pas si dangereux. Il fuit pour mieux combattre, et cette prompte ruse divise adroitement trois frères qu'elle abuse. Chacun le suit d'un pas au plus ou moins pressé, selon qu'il se rencontre au plus ou moins blessé. Leur ardeur est égale pour suivre sa fuite, mais leurs coups inégaux séparent leur poursuite. Horace, les voyant l'un de l'autre écartés, se retourne. Et déjà les croit demi-domptés. Il attend le premier, c'était votre gendre. L'autre, tout indigné qu'il ait osé l'attendre, en vain en attaquant fait paraître un grand cœur. Le sang qu'il a perdu ralentit sa vigueur. Albe, à son tour, commence à craindre un sort contraire. Elle crie au second qu'il secourt son frère. Il se hâte et s'épuise en efforts superflus. Il trouve en les joignant que son frère n'est plus. Hélas ! Tout hors d'haleine, il prend pourtant sa place et redouble bientôt la victoire d'Horace. Son courage sans force et d'un débile appui, voulant venger son frère, il tombe auprès de lui. L'air résonne des cris qu'au ciel chacun envoie, Albe en jette d'angoisse, et les Romains de joie. Comme notre héros se voit près d'achever, c'est peu pour lui de vaincre, il veut encore braver. J'en viens d'immoler deux aux mains de mes frères, Rome aura le dernier de mes trois adversaires. C'est à ses intérêts que je vais l'immoler, dit-il. Et tout d'un temps, on le voit y voler. La victoire entre eux deux n'était pas incertaine. L'Albin, percé de coups, ne se traînait qu'à peine, et comme une victime aux marches de l'autel, il semblait présenter sa gorge au coup mortel. Aussi le reçoit-il peu s'en faut sans défense, et son trépas de Rome établit la puissance. Oh, mon fils! Oh, ma joie! Oh, l'honneur de nos jours. Oh, d'un état penchant l'inespéré secours. Vertu digne de Rome et sang digne d'Horace. Appui de ton pays et gloire de ta race. Quand pourrais-je étouffer dans tes embrassements l'erreur dont j'ai formé de si faux sentiments? Quand pourra mon amour baigner avec tendresse ton front victorieux de larmes d'allégresse? Vos caresses bientôt pourront se déployer. Le roi, dans un moment, vous le va renvoyer et remettre à demain la pompe qu'il prépare d'un sacrifice aux dieux pour un bonheur si rare. Aujourd'hui seulement, on s'acquitte vers eux par des chants de victoire et par de simples vœux. C'est où le roi le mène, et tandis, il m'envoie faire office vers vous de douleur et de joie. Mais cet office encore n'est pas assez pour lui. Il y viendra lui-même, et peut-être aujourd'hui. Il croit mal reconnaître une vertu si pure, si de sa propre bouche il ne vous en assure. S'il ne vous dit chez vous, combien vous doit l'état. De tels remerciements ont pour moi trop d'éclat, et je me tiens déjà trop payé par les vôtres du service d'un fils et du sang des deux autres. Il ne sait ce que c'est d'honorer à demi, et son sceptre arraché des mains de l'ennemi fait qu'il tient cet honneur qu'il lui plaît de vous faire au-dessous du mérite et du fils et du père. Je vais lui témoigner quel noble sentiment la vertu vous inspire en tous vos mouvements et combien vous montrez d'ardeur pour son service. Je vous devrai beaucoup pour un si bon fils. Ma fille, il n'est plus temps de répandre des pleurs. Il sied mal dans verser où l'on voit tant d'honneur. On pleure injustement des pertes domestiques quand on en voit sortir des victoires publiques. Rome triomphe d'Albe. Et c'est assez. Tous nos maux, à ce prix, doivent nous être doux. En la mort d'un amant, vous ne perdez qu'un homme, dont la perte est aisée à réparer dans Rome. Après cette victoire, il n'est point de Romain qui ne soit glorieux de vous donner la main. Il me faut à Sabine emporter la nouvelle. Ce coup sera sans doute assez rude pour elle, et ses trois frères morts par la main d'un époux lui donneront des pleurs bien plus justes qu'à vous. Mais j'espère aisément en dissiper l'orage, et qu'un peu de prudence aidant son grand courage fera bientôt régner sur un si noble cœur le généreux amour qu'elle doit au vainqueur. Cependant, étouffez cette lâche tristesse. Recevez-le s'il vient avec moins de faiblesse. Faites-vous voir sa sœur. Et qu'en un même flanc, le ciel vous a tous deux formés d'un même sang. Oui. Je lui ferai voir par d'infaillibles marques qu'un véritable amour brave la main des parques. Mais ne prends point de loi de ces cruels tyrans qu'un astre injurieux nous donne pour parents. Tu blâmes ma douleur. Tu l'oses nommer là. Je l'aime d'autant plus que plus elle te fâche, impitoyable père. Et par un juste effort, je la veux rendre égale aux rigueurs de mon sort. En vit-on jamais un dont les rudes traverses prissent en moins de rien tant de faces diverses, qui fut doux tant de fois cruel et porta tant de coups avant le coup mortel. Vit-on jamais une âme en un jour plus atteinte de joie et de douleur, d'espérance et de crainte, asservie en esclave à plus d'événements et le piteux jouet de plus de changements? Un oracle m'assure, un songe me travaille, la paix calme l'effroi que me fait la bataille, mon hymen se prépare, et presque en un moment, pour combattre mon frère, on choisit mon amant. Ce choix me désespère et tous le désavouent, la partie est rompue. Et les dieux la renouent. Rome semble vaincue et celle des trois Albins curias en mon sang n'a point trempé ses mains. Oh Dieu!

et préfère du moins au souvenir d'un homme ce que doit ta naissance aux intérêts de Rome. L'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant? Rome, qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Rome, enfin, que je hais parce qu'elle t'honore. Puissent tous ses voisins ensemble conjurer, saper ses fondements encore mal assurés. Et si ce n'est assez de toute l'Italie, que l'Orient contre elle à l'Occident s'allie, que 100 peuples unis des bouts de l'univers passent pour la détruire, elle est monstre et la mère, qu'elle-même sur soi renverse ses murailles et de ses propres mains déchire ses entrailles, que le courroux du ciel allumé par mes voeux fasse pleuvoir sur elle un déluge de feu, puissais-je de mes yeux y voir tomber ce foudre, voir ces maisons en cendres et tes lauriers en poudre, voir le dernier Romain à son dernier soupir, moi seul en être cause et mourir de plaisir. C'est trop, ma patience à la raison fait place, va devant les enfers, plaindre ton curiace. Oh, ainsi reçoivent un châtiment soudain quiconque ose pleurer un ennemi romain. Que venez-vous de faire? Un acte de justice! Un semblable forfait veut un pareil supplice. Vous deviez la traiter avec moins de rigueur. Ne me dis plus qu'elle est mon sang et ma sœur. Mon père ne peut plus l'avouer pour sa fille. Qui maudit son pays, renonce à sa famille. Des noms si pleins d'amour ne lui sont plus permis. De ses plus chers parents, il fait ses ennemis. Le sang même les arme en haine de son crime. La plus prompte vengeance en est plus légitime, et ce souhait impie encore qu'impuissant est un monstre qu'il faut étouffer en naissant. À quoi s'arrête ici ton illustre colère? Viens voir mourir ta sœur dans les bras de ton père. Viens repaître tes yeux d'un spectacle si doux. Et si tu n'es point là de ces généreux coups immoles, ô cher pays des vertueux Horace, reste malheureux du sang des curiaces. Si prodigue du tien, n'épargne pas le leur, joins Sabine à Camille, et ta femme à ta sœur, nos crimes sont pareils, ainsi que nos misères, je soupire comme elle et déplore mes frères, plus coupables en ce point contre tes dures lois, qu'elles n'en pleuraient qu'un, et que j'en pleure droit. Qu'après son châtiment, ma faute continue. Sèche tes pleurs, Sabine, ou les cache à ma vue. Rends-toi digne du nom de ma chaste moitié, et ne m'accable point d'une indigne pitié. Si l'absolu pouvoir d'une pudique flamme ne nous laisse à tous deux qu'un pensée et qu'une âme, c'est à toi d'élever tes sentiments au mien, non à moi de descendre la honte des tiens. Je t'aime et je connais la douleur qui te presse. Embrasse ma vertu pour vaincre ta faiblesse. Participe à ma gloire au lieu de la souiller. Tâche à t'en revêtir, non à m'en dépouiller. Es-tu de mon honneur si mortel ennemi que je te plaise mieux couvert d'une infamie? Sois plus femme que sœur, et te réglant sur moi, fais-toi de mon exemple une immuable loi. Cherche pour t'imiter des âmes plus parfaites. Je ne t'impute point les pertes que j'ai faites, j'en ai les sentiments que je dois en avoir et je m'en prends au sort, plutôt qu'à ton devoir. Mais enfin, je renonce à la vertu romaine, si pour la posséder je dois être inhumaine, et ne puis voir en moi la femme du vainqueur sans y voir des vaincus, la déplorable sœur. Mon crime redoublé n'aime pas ta colère. Oh, que Camille est heureuse! Elle a pu te déplaire, elle a reçu de toi tout ce qu'elle a prétendu, elle recouvre là-bas tout ce qu'elle a perdu. Cher époux, cher auteur du tourment qui me presse, écoute la pitié si ta colère cesse. Exerce l'une ou l'autre après de tels malheurs, à punir ma faiblesse, finir mes douleurs. Je demande la mort pour grâce, pour supplice, qu'elle soit un effet d'amour ou de justice, n'importe.